c'est pas. Chérie et aboyo, papa, Olingo nanga papa, perio. Na lukana bomanzoto na boinga na bange makamwe. Na koyemba na kolela basuse o. Tonto nanga imasibi pesanga toli enyekese. Pesanga mwa beze na yoka nzoto enyekese. Na mokana chérie. Tanga na kolila yoso fote azambe apesanga te makolinga luka na bandelango perie aboyo bisengambio olingo nanga papa perio na luka na bomantoto na boinga na banye esese na koyemba na kolila basuse o Sanga mwa beze na yokanzo donye kese na mokana sheyo na kutanga na kolela nyoso fote nzambe apesanga te makolinga Oriba Fonsi yese wa Fonsi Fonsi Otoko masibi Otoko masibi Esese Bunza Assassinado Esese Bunza Bunza Bayoni Nous pensons, c'est ma. Pas dit nous pensons, c'est ma.